بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله. Je vais, inshallah, répondre à un frère avec qui je discute souvent sur Internet. Sincèrement, je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il est très fin d'esprit, très intelligent. Mais malheureusement, on a quelques points de désaccord par rapport à un certain nombre de théories, notamment celles qui concernent la géopolitique, géostratégie, et concernant un certain nombre de savants, et plus précisément Shir Imran Hussein. Alors je voudrais déjà préciser que ce frère est une personne très sensée, très sensible, très intelligente. On voit qu'il dispose d'une grande culture. Lorsqu'on vient le contredire ou lui apporter d'autres éléments, il ne prend pas la mouche, il ne s'énerve pas immédiatement. C'est une personne très patiente qui répond avec sagesse, avec respect. Et ceci est à noter car aujourd'hui, les musulmans, de façon générale, font tout le contraire, deviennent tout de suite agressifs, deviennent tout de suite orgueilleux, arrogants et comme je l'ai dit dans plusieurs audios, en viennent à écraser son interlocuteur, son frère, sa sœur en islam. Donc j'en profite pour faire un rappel par rapport à ça. Faites attention, discutons avec sagesse et voilà, et avec sérénité. Nous sommes musulmans, nous devons être des gens sages et patients et ne pas se manquer de respect entre frères et sœurs en islam. Donc je voulais parler en fait de Shir Imran Hussein. Donc sachez déjà dans un premier temps que je n'ai rien en réalité contre ce Shir. Je trouve qu'il fait un travail exceptionnel. Moi, j'ai vu quasiment toutes ses conférences. J'aime beaucoup son approche par rapport à un certain nombre de sujets. Il dénonce beaucoup de choses que de nombreux savants ne dénoncent pas, ou de nombreuses personnes qui sont sous les feux de la lumière ne dénoncent pas, comme le crédit, le système économique riba, comme l'Arabie Saoudite, comme vraiment beaucoup de choses. J'aime beaucoup sa grille de lecture concernant la fin des temps, l'eschatologie islamique. Il parle souvent de Gog et Magog, du dégel. Alors certains ne seront pas d'accord avec moi, hein, sont beaucoup plus catégoriques, ils le rejettent totalement. Moi non, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses à prendre de ce shir et je le conseille à beaucoup de monde. Sincèrement, je n'ai rien contre Shir Imran Hussein. Et pour vous dire que mon premier compte sur Facebook, ma première page, enfin ma photo de profil, c'était la photo du livre de Shir Imran Hussein sur Jérusalem dans le Coran, Jérusalem par rapport à la fin des temps, je ne me rappelle plus du titre exact. Donc pour moi, c'est une référence parmi tant d'autres. Bon, maintenant, je me méfie un peu plus sur certains sujets et je ne suis pas en accord avec lui sur essentiellement deux ou trois points, mais en totale opposition et je trouve qu'il en devient même très dangereux. Donc, je ne parle pas sur lui, je ne suis pas en train de manger, comme certains le disent, la chair des savants. Je sais quelle est la dangerosité d'employer ce genre de choses, de pratiquer ce genre de médisance. Je ne suis pas dans la médisance, je suis en train d'essayer de soulever des choses qui peuvent être graves pour la Oumma et des conclusions qui peuvent égarer beaucoup de musulmans. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui concernant l'alliance russe et l'alliance avec l'Iran, avec les chiites, contre l'Empire. Pour moi, il se trompe totalement. Je ne vois pas comment Poutine ou la Russie qui fait partie de ce système, de ce monde d'Ajalique, de cette mondialisation, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit l'Iran, pour moi c'est un autre type d'empire, aussi démoniaque que l'empire l'empire américain, sioniste, européen, enfin tout ce que vous voulez. C'est des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Et d'ailleurs, ils l'ont prouvé, notamment la Russie, contre sa guerre contre la Tchétchénie, contre les musulmans de Tchétchénie, Elle a massacré des millions de musulmans à travers le monde. Elle continue à le faire. L'Iran, n'en parlons pas. La Syrie, vous voyez ce qui se passe en ce moment. Donc moi, je ne suis pas du tout en accord avec les conclusions de Sheikh Imran Hussein par rapport à la géopolitique et par rapport à l'alliance des musulmans avec la Russie, avec l'Iran. Je pense qu'il se trompe totalement. Allahu alam, mais je pense que vraiment il se trompe, que c'est une mauvaise piste qu'il a exploitée, qu'il a utilisé deux, trois hadiths dans l'eschatologie islamique pour arriver à cette conclusion. Je pense qu'il se trompe, que ça ne parle pas de ces pays-là, ça ne parle pas des gens qui désignent. Deuxième chose, son soutien à la Syrie. Et ces critiques qu'il fait concernant les résistants et les moudjahidines, je trouve ça inacceptable. Encore une fois, il est un peu comme Alain Soral et comme les autres. Il fonctionne en système binaire, alors que la situation est tellement complexe et tellement profonde qu'on ne peut pas fonctionner en système binaire. Il y a des centaines d'enjeux qui se jouent sur le terrain. Il y a des centaines de lobbies, il y a des centaines de groupes. C'est extrêmement complexe. Ça ne débute tous ces événements-là, que ce soit en Égypte, en Libye, en Afghanistan, en Syrie, au Soudan, au Yémen, au Pakistan, au Mali, n'ont pas commencé depuis 2 ou 3 ans. Ça fait au moins 30, 40, 50 ans que ça se prépare. Et ce n'est pas du tout financé ou enfin, comme certains peuvent l'expliquer, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Sheikh Imran Hussein sur ça. Il est censé être un spécialiste de l'eschatologie islamique et des drapeaux noirs et de l'arrivée du Mahdi. Et on a l'impression qu'il est devenu complètement aveugle depuis un an ou deux. Les drapeaux noirs sont là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça serait très compliqué de les expliquer. Il faudrait que je fasse toute une audio détaillée pendant au moins une demi-heure pour dire d'où viennent ces drapeaux noirs et ils découlent de quelle organisation armée islamiste dans le passé. C'est quelque chose, c'est prouvable, c'est factuel, il y a des preuves. C'était des centaines de groupes qui existaient déjà depuis très longtemps, qui se sont mis en place, qui ont récupéré des millions d'armes, qui se sont armés également de science et qui ont placé à leur tête des savants, des centaines de groupes, voire des milliers de groupes composés de 400 éléments jusqu'à 2500, 3000 éléments, qui déstabilisent depuis maintenant un demi-siècle les États-Unis, la Russie et tous leurs alliés. Donc ce n'est pas du tout des milices ou des petites armées privées payées par les sionistes. Il y en a, mais elles sont extrêmement minoritaires et c'est pour des missions bien ciblées et on les reconnaît très facilement à travers leurs messages, à travers leur force sur le terrain, à travers plein de choses, on peut les reconnaître. Ceux qui se sont penchés sur ce sujet, il suffit juste de regarder quelques images, quelques vidéos ou quelques photos de ces groupes, et on peut rapidement les distinguer entre milices et organisation de plusieurs hommes, un groupe de plusieurs hommes qui a décidé de s'armer et de rentrer en dissidence et en résistance afin de rétablir la charia et le khilafa en terre musulmane. C'est des enfants, les enfants des enfants qui ont subi l'extermination des États-Unis, de l'Occident, et aujourd'hui ils sont en train de prendre leur vengeance. Et je peux vous dire qu'ils sont beaucoup plus forts que nous en géopolitique, en science, en stratégie, en manipulation, car eux, ils ont vu des milliers d'obus de plus de 2 tonnes leur tomber sur la tête. Ils ont vu toutes les manigances, ils ont vu tous les ambassadeurs américains, français, allemands venir souiller leur sol. Ils ont vu leurs enfants mourir, ils ont vu leur ville détruite depuis 30, 40 ans. Et je peux vous dire qu'ils savent très bien ce qu'ils font et ils savent où aller et où ne pas aller. Donc arrêtez de réduire ces groupes-là à des milices et arrêter d'écouter des gens qui fonctionnent en système binaire et qui simplifient des sujets extrêmement complexes, je ne sais pas pour quelle raison, soit de façon volontaire, soit de façon involontaire car ils sont aveuglés. Donc faites très attention. Donc si je critique Sheikh Iman Hussein, c'est essentiellement car je ne suis pas d'accord avec lui sur ses conclusions géopolitiques. Je souhaite également sauver l'honneur des Moudjahidines et des drapeaux noirs qui sont en train d'arriver. C'est flagrant, vous les voyez. Lorsqu'il y a une hésitation sur un sujet, Allah Azzawajal nous départagera dans l'au-delà, au moment du jugement dernier. Mais sachez que ici sur Terre, dans la dunya, lorsqu'on hésite sur un sujet qui a une grosse divergence, il faut qu'on se concentre à basculer du bon côté. C'est très important de basculer du bon côté. Et le bon côté, c'est basculer à ce qui correspond le plus au Coran et à la Sunna. Et lorsqu'on regarde les événements avec tous ces renversements dans les pays musulmans, dans les pays arabes, que ce soit l'Égypte, la Tunisie, la Libye, la Syrie, partout, l'Afghanistan, l'Irak, le Mali, la Mauritanie, partout. Lorsqu'on regarde tous ces renversements et qu'on a une hésitation, qu'on a deux grosses hypothèses, le côté droit, il y a des gens du côté droit qui disent que c'est des soulèvements qui ont été prévus, que c'est écrit dans les prophéties du prophète alayhi salatu salam, que c'est tout ça c'est écrit dans les textes sacrés, que ça doit se passer comme ça. Après la chute des tyrans, il faut qu'il y ait un khilafa qui va revenir. Et enfin voilà, qui donnent leurs arguments. À gauche, vous avez des gens, des complotistes, des ultra-complotistes comme Soral, LLP et d'autres, qui vous disent que tout ça, ce n'est que les sionistes qui financent ça, etc., etc., etc. Ce qui est complètement contradictoire face à ce que ces milices, enfin, ces pseudo-milices font sur le terrain. Elles viennent complètement contre les intérêts, en réalité, des États-Unis, d'Israël et tout ça, et de l'Europe. Car elles sont extrêmement dangereuses pour leurs intérêts économiques. Donc quand vous avez deux camps comme ça qui s'opposent, vous devez basculer vers ce qui correspond le plus au Coran et à la Sunna. Donc vous ne devez pas parler mal de ces milices, de ces groupes, pardon, de ces groupes d'islamistes, de résistants. Vous ne devez pas dire que c'est des milices, mais vous devez dire que c'est des groupes sincères. Et s'ils sont avec le drapeau noir au bout de leurs armes, c'est que... Enfin voilà, c'est qu'ils ont un but très précis et c'est un soulèvement spontané qui se prépare depuis des décennies. Il y a eu plusieurs tentatives. Aujourd'hui, la génération qui est arrivée, elle est très instruite. Elle sait très bien, on ne peut pas la voir comme ça bêtement. Ils ne sont plus naïfs du tout. Et enfin voilà. Bref, c'était en résumé ce que je voulais dire. Malheureusement, aujourd'hui, tous les musulmans, on est en train d'apprendre un peu notre religion et tout ce qui est analyse économique, géopolitique à travers Internet de façon autodidacte. Donc on a tous un peu des cheminements différents. Tout ça fait partie du complot contre l'islam. On nous a enlevé nos savants. Ici en France, en Europe et même au Moyen-Orient, on les a emprisonnés, torturés. Donc on est obligé d'apprendre notre science nous-mêmes. Et donc après, il y a beaucoup de divergences entre nous, beaucoup de fitna. Et on doit beaucoup se disputer et beaucoup rentrer dans des grands débats pour mettre en valeur la vérité. Sachez que la vérité, si vous poussez les choses jusqu'au bout, vous la trouverez. Internet, c'est très spécial. Il y a quasiment tout, mais ça marche en labyrinthe. Il y a plusieurs boîtes, plusieurs niveaux. Vous passez dans une boîte, ensuite vous passez dans un petit couloir étroit, vous découvrez une autre boîte derrière. Et petit à petit, dans votre cheminement, vous allez découvrir petit à petit des comptes YouTube, des chaînes Dailymotion, des sites internet de frères et de sœurs qui mettent la vraie science, qui vous font découvrir le vrai islam authentique avec les vrais savants, ceux qui sont dans les montagnes et ceux qui s'accrochent férocement au Coran et à la Sunna. Et vous allez oublier toutes les thèses conspirationnistes, ultra-conspirationnistes. Vous allez être des opposants de Soral et d'autres, alors qu'avant vous étiez leur plus fidèle représentant. Moi, c'est ce que j'étais au départ. J'ai fait quasiment tout le tour du net. Ça fait 5 ans que quasiment je passe jour et nuit sur tous les sites internet, religion, spiritualité, économie, géopolitique. J'ai regardé des milliers de conférences, j'ai étudié des centaines de sujets, j'ai écouté des milliers d'intellectuels. Et à chaque fois, je me suis remis en question, j'ai découvert des choses qui ont désactivé telle partie du puzzle, j'ai découvert telle partie qui ont activé des dizaines d'autres nouveaux morceaux du puzzle, du grand puzzle géant, extrêmement complexe. Donc faites attention, ne vous accrochez pas à ces analyses simplistes et binaires de Soral. Je me suis fait avoir, beaucoup se sont fait avoir. Je connais toutes ces thèses-là quasiment par cœur. Et si j'avais le temps de les exposer avec la vraie vérité, vous verrez que toutes ces thèses-là sont extrêmement pauvres et ne valent rien du tout. Donc faites attention à Shir Imran Hussein, qui dit de s'allier aux Russes, à l'Iran et à Assad, alors que c'est quasiment les pires ennemis des musulmans, des musulmans sincères, des sunnites. Ils sont en train de les massacrer. Donc on ne peut pas écouter une personne, on ne peut pas suivre une personne jusqu'à ce point-là. Lui-même le dit qu'il est possible qu'il fasse des erreurs. Donc écoutons-le également sur ses erreurs. Là, il se trompe. Donc il ne faut pas le diviniser. Il ne faut pas en faire un ange ou un prophète. Faites attention, il fait de grosses erreurs sur ces éléments-là. J'espère pour lui que c'est involontaire. Et si c'est involontaire, qu'Allah Azawajel le guide et lui ouvre les yeux et qu'il arrête de soutenir Assad et de vouloir s'allier avec l'Iran chiite et la Russie mécréante. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب العباة بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء غرباء غرباء يوم كنا الناس سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء Oh.